لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، لونج الله سبحانه وتعالى car aucun profit n'est obtenu si ce n'est avec son aide سبحانه وتعالى. Or parmi les plus grands bienfaits qu'il nous ait accordé سبحانه وتعالى, c'est ses rencontres dans cette mosquée pour l'évoquer سبحانه وتعالى. Et je demande à Allah سبحانه وتعالى de nous placer parmi ceux qui écoutent le discours et qui suivent ce qui en est de meilleur. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui entend et qui exauce. Alhamdulillah, fatir al-samawati wal-ardi al-qa'il wa ma khalaqtu al-insa wal-jinna illa li'abudun. Wal-qa'il qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Fal-ayatu al-ula dallat ala ikhlas al-a'mali lillahi subhanahu wa ta'ala wa ala wujub tahqiq al-tawhid ووجوب تحقيق الشطر الأول من شهادة من الشهادة ألا وهو لا إله إلا الله. والآية الثانية دلت على وجوب تحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها يتحقق الشرط الثاني من الشهادة وأن محمدا عبد الله ورسوله. فالشرط الأول ينجي من الشرك، والشرط الثاني ينجي من الأهواء والبدع. فكانت جلساتنا منذ بداية هذه الزيارة في حق ربنا سبحانه وتعالى وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وبما أنه لا بد من تحقيق أختها الملازمة لها وهي شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان لزاما علينا أن نخصص كذلك حصصا لها، حصصا لهذه الشهادة ولمدلولها ولمقتضياتها. فجاءت هذه المجالس عن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لونج الله سبحانه وتعالى le créateur des cieux et de la terre qui a dit dans le verset dans la traduction approximative nous dit cela: je n'ai créé les jinns ni les humains que pour m'adorer. Et il a dit aussi dans l'autre traduction du verset cité ici: dites si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah il vous aimera et pardonnera vos péchés. Le premier verset prouve qu'il est obligatoire d'accomplir les actes sincèrement pour Allah et qu'il est obligatoire de réaliser le monothéisme dans notre vie et qu'il est obligatoire de réaliser la première partie de l'attestation de foi en digne d'être adoré qu'Allah. Le deuxième verset prouve qu'il est obligatoire de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est avec le suivi de Mohammed a.s. qu'on arrive à concrétiser et à réaliser la deuxième partie de l'attestation. Mohammed est le soumis et le messager d'Allah. Avec la première partie de l'attestation, la personne est sauvée du polythéisme. Et avec la deuxième partie de cette attestation, la personne est sauvée des passions et des innovations. Vu que nous avons débuter nos assises avec, durant cette visite, avec le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec lequel s'accomplit la première partie de l'attestation la ilaha illallah. Et comme il est obligatoire de réaliser aussi la deuxième partie de cette attestation, Muhammad est le messager d'Allah, ben il est obligatoire pour nous, il nous incombe aussi de réserver certaines assises au droit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à la signification de cette attestation que Muhammad est le messager d'Allah et aux obligations que ça implique. Donc notre assise ce soir, jalsatuna fi hadha al-layla mukhassasatun khassatun bi haqqi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. والكلام عن حق المصطفى عليه الصلاة والسلام مما لا شك فيه لدى ذوي العقول والألباب أن الكلام عن الشرفاء والنجباء والفضلاء والعقلاء يأخذ بالألباب، ويأسرها، كما قال الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى في مقدمة رسالته، مقدمة محاضرته عن حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الأسماع تتعطر بذكرهم وتشرئب الأعناق إلى سماع سيارهم. وكيف إن كان الكلام عن سيد النجباء وإمام الشرفاء عليه الصلاة والسلام، سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. لا شك أن الحديث عنه وعن حقوقه وهي كثيرة على أمته، ولا أظن أن المقام يفي بها، ولكن حسبنا أن نذكر منها بجملة منها، وكما يقال حسبنا من السوار ما أحاط بالمعصم. هذا من كلامه حفظه الله تعالى ومتع به. فإن الله سبحانه وتعالى دونك notre assise est consacrée au droit de la plus noble des créatures. Il n'y a aucun doute chez tous ceux qui sont doués de raisons saines que le fait de parler des gens qui ont du mérite et des vertueux, cela attire les esprits et stimule l'envie de connaître leur biographie, leur vie. Qu'est-ce qu'il en est quand il s'agit du plus noble et du plus méritoire homme qu'a connu l'humanité entière ? Il n'y a aucun doute que cela attire encore plus les esprits. Et il s'agit bien sûr là de notre message sallallahu alayhi wa sallam et de ses droits. Les droits de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur la communauté sont nombreux. Je ne crois pas que le temps est suffisant pour les énumérer tous. Mais je vais citer certains. Et comment quelqu'un comme votre frère peut parler et donner à ce sujet son importance et ce qu'il mérite. Mais ce n'est qu'un rappel à travers lequel, à travers les paroles et les textes des savants que j'ai compilés par ce rappel. Faïkhouat al-Islam, كان الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، كما أخبر رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه. قال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق والنور، فأخرج البشرية بإذن ربه من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات البدع والخرافات إلى نور السنة. قال الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى ومتع به: أرسله الله رحمة للعالمين، كان الناس على شفا حفرة من النار فنجى الله من تبعه منها. قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. انتهى كلامه حفظه الله. وهنا سؤال: بماذا ألف الله بينهم، بين الأوس والخزرج الذين كانت بينهم حروب طاحنة دامت أكثر من 120 سنة؟ بماذا ألف الله سبحانه وتعالى بينهم؟ هل ألف بينهم بالسياسة أم بتوزيع المناصب، أم ألف بين قلوبهم بتوزيع الأموال؟ أبدا لم يكن كذلك، إنما ألف الله سبحانه وتعالى بين قلوبهم بهذا الدين وبهذا المنهج الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، والذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء الإنس والجن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك فلن يتم لنا الاختلاف ولا الاجتماع الحقيقي حتى نرجع إلى الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا كان الرجوع حقيقيا إلى هذا المنهج كان الائتلاف وكانت الأخوة وخرجنا من الاختلافات، وإلا فانظر أنت حولك وفتش وقلب الأمور فترى البعض يتصالح ولكن تبقى النفرة. لماذا؟ خلاص هناك خلل في الرجوع إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحابه الكرام، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، أرسله نورا فرق الله سبحانه وتعالى به بين الحق والباطل وبين الظلمة والضياء. قال جل في علاه لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري رحمه الله عند هذه الآية قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قال يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به صلى الله عليه وسلم. فبلغ عليه الصلاة والسلام الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. شفعنا الله سبحانه وتعالى أبو لونغ وذو محمد عليه الصلاة والسلام les gens baignés dans l'ignorance et dans le politisme total. Ils étaient aveuglés par l'injustice et l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé la plus noble créature, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à une époque dépourvue de messagers alayhi salatu wa sallam, afin de redresser l'humanité déviante pour les amener à dire la ilaha illallah et se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'ils obtiennent la réussite dans ce bas monde et dans le delà. Et il est venu avec la vérité pour anéantir le faux, et il est venu avec la guidée alayhi salatu wa sallam, il est venu avec la justice, il est venu avec le bon comportement, et par le biais de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a anéanti le polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé par miséricorde pour l'univers, et il l'a envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur, annonciateur de bonnes nouvelles pour quiconque croirait en lui et avertisseur envers quiconque lui désobéirait. Ainsi, par le biais de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a fait la distinction entre le vrai et le faux, entre les ténèbres et la lumière. Il est dit dans le verset cité ici, dans la traduction approximative du sens du verset, « Ô gens du livre, notre messager est venu à vous, vous exposant une grande partie des écritures que vous avez cachées, que vous cachez, et se taisant sur nombre de vos dissimulations, une lumière et un livre aux enseignements parfaitement clairs vous sont certes venus d'Allah, par lequel Allah montre les voies du salut à ceux qui cherchent son agrément, et il les fait sortir par sa grâce des ténèbres vers la lumière, et il les guide vers la voie droite. L'imam des exégètes, rahimahullah ta'ala, a dit dans son exégèse, Tabari rahimahullah, il a dit concernant ce verset, il vise par cette lumière Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par qui Allah a illuminé la vérité, par qui Allah a fait apparaître l'islam et a anéanti le polythéisme. Il est donc une lumière pour quiconque aura cherché à s'éclairer par lui, par son biais. Et c'est par son biais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éclairci la vérité. Fin des citations des paroles de Ibn Jarir, rahimahullah ta'ala. Comme vous le savez, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, les gens avant l'envoi de Muhammad alayhi salatu wassalam étaient dans un égarement manifeste. Comme cela est dit dans la traduction approximative du sens du verset dans Sourate al-Jumu'ah, c'est lui qui a envoyé aux illettrés, c'est-à-dire les Arabes, l'un des leurs comme messager afin de leur réciter ces versets, de purifier leurs âmes et de leur enseigner le livre et la sunna, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la science bénéfique et la religion véridique. Par son biais, Allah subhanahu wa ta'ala a sorti l'humanité des ténèbres vers la lumière, et des ténèbres de la mécréance vers la lumière de la foi, et des ténèbres du polythéisme vers la lumière du monothéisme, et des ténèbres de l'ignorance vers la lumière de la science, et des ténèbres des innovations et des légendes à dormir debout vers la lumière et la clarté de la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde pour les mondes, alors que les gens étaient au bout d'un gouffre de l'enfer. Allah les en a sauvés, comme cela est stipulé dans cette traduction approximative du sens du verset, où il est dit « Comprenez-vous tous et restez fermement attachés à la religion d'Allah et ne vous divisez pas. Souvenez-vous des bienfaits d'Allah sur vous alors que vous étiez des ennemis les uns des autres avant l'islam. Et il a uni vos cœurs, c'est bien que par sa grâce, subhanahu wa ta'ala, vous êtes devenus des frères. Vous étiez alors au bord d'un gouffre de l'enfer dont il vous a sauvé. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces signes afin que vous soyez bien guidés. » Ce verset doit attirer notre attention sur les guerres interminables qu'il y avait entre l'Aws et le Khazraj parmi les tribus de Médine, ces guerres qui ont duré plus de 120 ans. Et il y a eu beaucoup de sang qui a coulé entre ces tribus. Mais quand ils se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et ont suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont devenus des frères liés d'une fraternité qui n'a pas d'égal. Ils ont tout oublié, tout effacé. Ils ont tout oublié, tout effacé. Ici doit effleurer notre esprit une question. Par le biais de quoi ils sont devenus des frères? Par le biais de quoi ils ont eu cette union très forte qui n'a pas eu d'égal après? Après 120 ans de bain de sang, est-ce que il les a liés avec la politique, ou avec le social, ou avec la distribution d'argent ou des postes? Rien de tout cela. Ils sont devenus des frères par cette religion de vérité, par cette voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, qui est la voie du livre et de la sunna, qui est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette voie qui les a élevés et qui les a honorés, et on a fait nos pieux prédécesseurs, radhiyallahu anhum. Cette voie qui leur a prévalu la satisfaction d'Allah. Allah est satisfait d'eux, et eux, ils sont satisfaits aussi de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. Donc nous aussi, si nous voulions une réelle fraternité, nous devons revenir à cette voie sur laquelle ils étaient, radhiyallahu anhum. Ils nous cramponnaient au livre et à la sunna comme il l'était, radouanullahi alayhim. C'est pour ça, c'est avec ça seulement qu'on pourra devenir des réels frères, dans le sens réel de cette fraternité, imiter les situations de beaucoup de personnes, malgré qu'ils s'y réconcilient, il reste quand même quelque chose entre eux. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la voie. Dans la voie, il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, qu'est-ce qui empêche de revenir des frères comme, regardez, là aussi le Khazraj, 120 ans de guerre, et tout ce sang qui a coulé. Et une fois qu'ils sont soumis, qu'ils se sont cramponnés au livre et à la sunna, comme si rien n'était. C'est fini. Et normalement, dans nos relations et dans nos rapports, ça doit être comme ça. Si on n'arrive pas à ce stade-là, ça veut dire qu'il y a un hic quelque part. Il y a une faiblesse dans notre foi. Il y a une faiblesse dans notre façon de mettre en application la voie sur laquelle était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Hein? Le hic, il est en nous. Il n'est pas dans la voie. Les lacunes sont en nous. Ils ne sont pas dans la voie. La voie est infaillible. Hein? La voie est infaillible. Et il est protégé de l'infaillibilité par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, nous sommes des faibles. Hein? Donc nous devons remédier et se poser des questions et faire les comptes avec nous-mêmes pour savoir où sommes-nous de la voie que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Cette voie que Allah subhanahu wa ta'ala nous a désignée et cette voie que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a laissée en héritage. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la division de cette communauté, et il a dit que la communauté va se diviser en 73 groupes et qu'il n'y a qu'une seule, une seule fraction qui sera sauvée. Quand ils lui ont posé la question, c'est laquelle, ya Rasulallah ? Il a dit, ceux qui seront sur la même voie sur laquelle je suis moi, aujourd'hui, mes compagnons. C'est celle-là que nous devons chercher. C'est cette voie-là qu'il faut qu'on cherche et à laquelle nous devons nous cramponner. Peu importe le prix que ça coûte, peu importe les sacrifices que ça nous demande, parce que c'est la seule voie qui mène vers l'agrément d'Allah. Et c'est la seule voie qui amène les honneurs et la suprématie de cette communauté. Et c'est la seule voie qui élèvera cette communauté dans ce bas monde avant l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala amta'anna ala al-mu'minin bi-bi'tati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Qala subhanahu wa ta'ala, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جاء في كلام للشيخ عبد الله عن حق النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه فالكل يعلم أن الحياة كانت ظلاما قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وأن الظلم كان منتشرا وأن الشرك قد أطنب وضرب يمنة ويسرى في الأرض. هذا النبي أشرقت ببعثته الأرض ضياء وفرحا. روى الترمذي والحديث صححه الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع عن أنس رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، ولما نفضنا عن رسول الله الأيدي وإنا لفي دفني حتى أنكرنا قلوبنا. قال العلامة الألباني رحمة الله عليه في مختصر الشمائل المحمدية هذا تعبير عن اللوعة بفقد أكرم الرسل وأنها ساعة شديدة حتى أنكروا أنفسهم من شدة الحزن وانقطاع الوحي وفقد الصحبة. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة على شجرة أو نخلة أي كان يخطب عليها، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال إن شئتم، فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه يئن أنين الصبي الذي يسكن. قال عليه الصلاة والسلام كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. رواه البخاري. ولهذا كان الحسن البصري رحمه الله كما ذكر ذلك صاحب الفتح والذهبي في السير يقول يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. انتهى كلام الشيخ عبد الله حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. هنا الله سبحانه وتعالى accomplit de sa grâce ses croyants par l'envoi de Mohammed alayhi salatu wassalam, comme ceci est stipulé dans la traduction approximative du sens du verset où il est dit: Allah a accordé une grâce aux croyants en suscitant parmi eux un dealer comme messager qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sunna, alors qu'auparavant ils étaient dans un égarement manifeste. Le noble Cheikh Abdallah al-Bukhari, dans sa conférence concernant les droits du prophète alayhi salatu wassalam, a dit ceci. Il a dit: tout le monde sait que la vie avant l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était sombre. L'injustice avait pignon sur rue. Le polythéisme couvrait la terre. Avec l'envoi de Muhammad, avec l'envoi de ce messager, la terre s'est illuminée de lumière et de joie. Et il a cité, Hafidhahullah ta'ala wa matta'a bih, il a cité le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi rahmatullah alayh. Et ce hadith est authentifié aussi par Cheikh Nasser Dil Albani dans le Jami' et dans Elish ibn Majah et dans Shama'il, où Anas dit, radiyallahu anhu arzah, le jour au cours duquel le messager d'Allah arriva à Médine, toute chose s'illumina, tandis que le jour de sa mort, tout s'y assombrit. Et lorsque nos mains ont quitté le messager d'Allah, c'est-à-dire une fois qu'ils ont terminé de l'enterrer, alors que nous étions en train de l'enterrer, nous mîmes à réprouver nos cœurs. Cette expression, dit l'imam Al-Albani rahmatullah alayhi, il dit, cette expression, dite par Anas dans ce hadith, exprime le sentiment de détresse dû à la perte du maître des messagers alayhi salatu wassalam, que les compagnons ont rencontré à ce moment-là, à tel point qu'ils réprouvèrent leur propre personne suite à l'énorme tristesse qui les envahit à cause de cette séparation et de l'interruption de la révélation. L'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte le hadith de Jabir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait le vendredi au pied d'un arbre ou d'un palmier, c'est-à-dire il se mettait sur le tronc d'un palmier ou d'un arbre pour le jumu'a comme minbar. Une femme ou un homme parmi l'ansar lui ont dit un jour: est-ce qu'on ne te confectionnerait pas un minbar, une chaire de prône? Il a dit alayhi salatu wassalam: si vous le souhaitez. Ils s'exécutèrent. Et lorsque vint le jour du vendredi, il fut orienté vers le minbar. C'est alors que le palmier poussa le cri d'un nouveau-né. Et il descendit alayhi salatu wassalam du minbar. Il le serra contre lui. Et ce tronc de palmier ou ce tronc d'arbre commençait à gémir comme un enfant qu'on est en train de consoler, comme un enfant qu'on est en train de bercer et de consoler. À ce moment-là, alayhi salatu wassalam, il a dit, il pleurait à cause du rappel qu'il entendit auprès de lui. Ça veut dire que il va plus l'entendre. Donc il pleure pourquoi? Pour la séparation. Parce qu'après il n'entendra plus les rappels qu'il a entendus. Ça, c'est un inanimé. Hein? C'est pour ça que le Hassan al-Basri, rahimahullah, pleurait lorsqu'il rapportait ce hadith. Il disait: ô musulmans, un morceau de bois soupire par désir de ne pas être séparé du messager d'Allah. Quant à vous, vous devriez encore plus désirer cela. Et ça, ce sont nos nobles pieux prédécesseurs qui ont compris, hein, la religion d'Allah et qui ont compris ce que veut dire l'amour du messager alayhi salatu wassalam. فالكلام عن حقوق رسول الله كلام عن الشطر الثاني من أصول الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وعنها يسأل الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون، ماذا أجبتم المرسلين. فمن حقوقه على الأمة وهي كثيرة، أولا الإيمان به. قال بعض أهل العلم أنه تصديقه، الإيمان به هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته، هذا ذكره صاحب الاقتضاء ابن تيمية رحمه الله. وقالوا تصديقه يلزم منه أمران: إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم، وصدقه فيما بلغه عن ربه وأن ذلك مختص به عليه الصلاة والسلام. ثانيا تصديقه فيما جاء به وأنه جاء به من عند الله وأنه واجب الاتباع، فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به عن الله من عن أمور المغيبات، عن الجنة والنار، عن الوعد والوعيد، عن عذاب القبر، عن نعيم القبر، إلى كل ما أخبر به عن الله سبحانه وتعالى. وربنا وصفه بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دونك شيخ خيرنا الله سبحانه وتعالى parle des droits du messager d'Allah سبحانه وتعالى. C'est traité la deuxième partie du premier pilier de l'islam qui est l'attestation de foi. J'atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah. Ça c'est la première partie. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Ça c'est la deuxième partie. Les premiers parmi les djinns et les humains et les derniers seront interrogés sur cette attestation. En effet, comme l'a dit, comme le rapporte Ibn al-Qayyim dans Zad, les deux questions seront posées à tous. Qu'est-ce que vous adoriez et qu'est-ce que vous avez répondu au messager? Qu'est-ce que vous adoriez? Ça, c'est l'accomplissement de la ilaha illallah. Qu'est-ce que vous avez répondu au messager? Ça, c'est l'accomplissement et la réalisation de la deuxième partie de l'attestation. Muhammad est le soumis et le messager d'Allah. Parmi les droits de notre messager, alayhi salam, et ses droits sont nombreux. Le premier des droits, c'est le fait de croire en lui. Certains savants ont dit que cela signifie, la croyance en le prophète, alayhi salam, signifie attester de sa véracité, lui obéir et suivre sa législation. Ça, c'est un résumé des paroles qui sont citées dans Iqtida Sirat Mustaqim d'Ibn Taymiyyah. Et ils ont dit aussi que le fait d'attester de la véracité du messager alayhi salam comprend deux points essentiels. D'abord, confirmer sa prophétie et sa véracité dans tout ce qu'il a transmis de son souverain subhanahu wa ta'ala, et que cela lui est spécifique. La transmission, c'est à lui, et il l'a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, attester la véracité de tout ce qu'il a ramené d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tout cela est lui venu min Allah azza wa jal. Et c'est une obligation de le suivre. Donc il est obligatoire d'attester la véracité de tout ce qu'il a annoncé et de suivre ce qu'il a annoncé concernant l'invisible, de croire à tout ce qu'il a annoncé, de le prendre comme véridique. Ce qui concerne le paradis, ce qui concerne l'enfer, ce qui concerne les délices de la tombe, les châtiments de la tombe et tout ce qui va se passer dans le delà, et que tout cela, tout ce qu'il nous a enseigné concernant l'invisible, il l'a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il n'a jamais parlé sur les faits des passions. Et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit dans le Coran. Et que tout ce qu'il a transmis n'est qu'une révélation qui est venue min Allah subhanahu wa ta'ala. فمن حقوقه كذلك أن نحبه أكثر من أنفسنا وأهلنا والناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. ففكر عمر رضي الله عنه وأرضاه ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن وصل إيمانك القمة. صلوات ربي وسلامه على رضي الله عن الفاروق. والحديث عند الإمام البخاري. كيف لا يكون الأمر كذلك؟ والله عز وجل يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي النبي أولى بالمحبة من نفسك ومن روحك التي بين جنبيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى الجنة وإلى جنة عرضها السماوات والأرض، وأنفسنا تدعون إلى طاعة الشيطان وإلى الهوى وإلى النار. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يعود أن يقذف في النار. حلاوة الإيمان ما هي؟ أن الإنسان يتلدد بالعبادة ولا يستثقل العبادة، وإذا خرج من عبادة يريد أن يرجع إليها ولا يريد أن يترك العبادة. هذه حلاوة العبادة. وقد حذر الله سبحانه وتعالى الذين يحبون الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة أكثر من حبهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الإمام العلامة تقي الدين الهلالي عند هذه الآية في مقال له: كيف نعظم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وهذه المحبوبات الثمانية، أي المذكورة في الآية، وهذه هي المحبوبات الثمانية التي فتنت كثيرا من الناس وألهتهم عن ذكر الله وصرفتهم عن طاعة الله ورسوله، لأنهم أحبوها كلها أو بعضها أكثر من محبة الله ورسوله. فلما تعارضت لهم محبتها مع محبة الله ورسوله رجحوا محبتها على محبة الله ورسوله، فعصوا الله ورسوله أو كفروا به فخابوا وخسروا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وغفر له وأسكنه فسيح جناته. Fait partie aussi des droits de notre noble messager alayhi salam, le fait de l'aimer. Le fait de l'aimer plus que notre propre personne, plus que nos familles, plus que toute autre chose dans ce bas monde. Dans le hadith apporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, le messager a dit: la foi de quiconque parmi vous ne sera complète qu'une fois qu'il m'aime plus que ses parents, plus que ses enfants, plus que tous les gens. Et le hadith, regardez, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Donc l'amour du prophète alayhi wa sallam doit tout de suite venir après لامور د الله سبحانه وتعالى يا بخي بيان دغالي زوت خاموخ ها اذن الحديث rapporté par Imam Bukhari regardez ce qu'a dit Omar ibn Khattab رضي الله عنه وارضاه كنت عمر ادي او مساجد الله tu es la personne que j'aime le plus après ma personne. Le messager lui a dit non, par celui qui tient mon âme entre ses mains, jusqu'à ce que tu m'aimes plus que toi-même. Omar a réfléchi un petit instant et il a dit maintenant, ya Rasulallah, je t'aime plus que moi-même. Le messager lui a dit maintenant, ô Omar. Ça veut dire maintenant, ta foi est au summum. Hein? Et ça ne peut pas être autrement. Car, dans le verset cité ici, dans sa traduction approximative du sens, il est dit, le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Pourquoi ? Cela veut dire tout simplement qu'on doit aimer le prophète alayhi salatu wa sallam plus que nos personnes et plus que l'âme qu'il y a dans notre corps. Le prophète nous invite au paradis, dont la largeur c'est les cieux et la terre, et nous invite vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que nos âmes qui font la vie de nos corps, nous invitent à obéir à Shaitan, nous invitent aux délices de ce bas monde, tentations et ainsi de suite. Donc il nous invite vers quoi ? Vers l'enfer, vers la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à l'invitation du prophète alayhi salatu wassalam. D'où il faut l'aimer encore plus que nos âmes, plus que nos personnes, plus que ce bas monde et ce qu'il contient. Le messager d'Allah a dit, trois qualités, quiconque les a, il trouvera le goût exquis de la foi. C'est quoi le goût exquis de la foi? C'est que la personne ne se lasse pas de l'adoration et de la soumission. Abedan. Chaque fois qu'il termine une adoration, il a envie de la recommencer. Et les adorations lui sont très légères. Hein? Il ne se sent aucune gêne. Hein? Quand il va vers le fait d'accomplir une adoration. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit trois qualités. Quiconque les a, il trouvera le goût exquis de la foi. Qu'elle aime Allah et son messager plus que toute autre chose. Et quand il aime quelqu'un, il l'aime pour Allah. Et qu'il déteste revenir à la mécréance après qu'Allah l'on a sauvé, comme il déteste d'être jeté en enfer. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala avertit ceux qui aiment les parents, qui aiment les enfants, les frères, les femmes, le clan, la tribu, la fortune, le commerce, plus qu'Allah et son messager alayhi salatu wassalam. Dans le verset cité ici, la traduction approximative nous dit cela. Dis-leur, ya Muhammad, si vos parents, vos enfants, vos frères, vos épouses, votre clan, la richesse que vous avez amassée, le commerce dont vous craignez la perte et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah et son messager et la lutte sur le sentier d'Allah. Alors attendez qu'Allah fasse survenir son ordre. Allah ne guide pas les transgresseurs. Il a cité, subhanahu wa ta'ala, huit choses. Le noble cheikh Taqi Dilhilali, rahimahullah, a dit concernant ce verset, il a dit, ces huit choses qui sont chères aux gens, sont les huit obstacles qui ont perturbé les gens et qui les ont distraits de l'évocation d'Allah et qui les ont détournés de l'obéissance à Allah et de l'obéissance à son messager alayhi salatu wassalam. En les aimant toutes ou certaines plus que l'amour dû à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, ils ont mis en avant l'amour de ces choses au-dessus de l'amour d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont désobéi à Allah, ou ils ont mécru en Allah, Ainsi ils ont perdu et fait faillite. Fin des paroles de Cheikh Taqi al-Din Hilali rahimahullah ta'ala. Wa لنا أن ننظر ونتأمل هذه الأمثلة التي ضربها لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان واجبا علينا أن نقتدي بهم في اتباعهم لرسول الله وفي اعتقادهم وفي أخلاقهم وفي منهجهم ها وفي تطبيقهم لهذا الدين. تأمل هذا المثال من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والخبر صحيح وهو عند البخاري. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يودع أمته على المنبر ويقول لهم إن الله خير عبدا بين أن يخلد في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر بكاء شديدا وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. وجاء في بعض الآثار قول بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وكان أبا بكر أعلمنا. ومن ها هنا نأخذ أنه من لوازم اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام أن نلزم غرز كبرائنا من العلماء ورثة الأنبياء، ولا نحيد عن غرز العلماء. فتأملوا كيف الصحابي يشهد وكان أبو بكر أعلمنا. ها، ومن الأمثلة كذلك لما حاول عروة بن مسعود ممثل الكفار في صلح الحديبية أن يلمس لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم معه، ضرب الصحابي الجليل مغيرة بن شعبة رضي الله عنه يده بنصل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لا ترجع إليك. والخبر عند الإمام البخاري رحمه الله. ولما رجع عروة بن مسعود إلى كفار مكة قال لهم أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتذروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له عليه الصلاة والسلام. والأثر هذا عند الإمام البخاري رحمه الله. فإن الله سبحانه وتعالى يفكم ميديت la situation des nobles compagnons de Allah alayhim et les exemples qu'ils nous ont donnés dans l'amour qu'ils vouaient pour le prophète alayhi salatu wassalam. Voici quelques exemples. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il est obligatoire qu'on suive le chemin de ces nobles compagnons. Que ce soit au niveau de leurs croyances, au niveau de leur comportement, au niveau de la mise en application de cette religion, au niveau de leur voix, à tous les niveaux. Parce qu'ils nous ont donné des exemples exceptionnels, que ce soit dans l'amour du prophète alayhi salam, ou dans le fait de triompher sa religion, ou dans le fait de se sacrifier, de sacrifier tout ce qu'ils avaient de plus cher pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici quelques exemples de l'amour qu'ils avaient pour le messager alayhi sallam. On commence par le meilleur de l'humanité après les prophètes alayhi sallatu wassalam et le plus véridique de l'humanité après les prophètes alayhi sallatu wassalam, qui est Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda. Quant à Abu Bakr, a entendu un jour le prophète d'Allah, alors que le prophète était sur son minbar, il l'a entendu faire ses adieux à la communauté en ces termes, en disant « Allah a donné le choix à un soumis entre le fait de vivre éternellement dans ce bas monde ou ce qu'il y a chez Allah. Ce soumis a choisi ce qu'il y a chez Allah. » Abu Bakr, quand il a entendu cela, il a pleuré. Il a compris le message et il a pleuré fortement. Et il a dit « Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. » C'est une expression dont le sens n'est pas voulu. Mais c'est une expression qu'on utilise pour quelqu'un d'important. Hein? Pour prouver l'importance de la personne et l'amour qu'on a pour la personne. Cet attar de Abu Bakr est authentique. Il est chez Imam Bukhari. Dans un autre attar aussi, les nobles compagnons ont dit « Abu Bakr était le plus savant parmi nous ». Et nous retenons de cet attar. L'attar, c'est la trace, littéralement. Hein? Nous retenons de cela que le suivi du messager implique de rester derrière les grands savants et de ne jamais les devancer. Hein? Et comme il dit, les délires dans lesquels et les diarrhées mentales dans lesquelles se trouvent ces moussafirs qui ont donné le dos aux grands savants et aux orientations et conseils du grand savant. Et voici un deuxième exemple. Lors du pacte de paix d'Al-Hudaybiyah, le représentant des mécréants Quraïchites, Urwa ibn Mas'ud, a essayé de toucher la barbe du prophète alayhi salam. Alors qu'il était en train de lui parler, le noble compagnon Al-Mughira ibn Shu'ba lui a donné un coup avec l'étui de son épée, en lui disant « Éloigne ta main de la barbe du messager alayhi salam, sinon tu vas la perdre. » Adas, juste il voulait toucher la barbe du prophète. Et regardez cet avertissement. « Éloigne ta main, sinon, khlas, tu n'auras plus de main. » Le hadith, il est chez l'imam Bukhari, rahimahullah. C'est le temps. Et quand Urwa, on termine sur Atal, Inch'Allah. Quand Urwa ibn Mas'ud est revenu chez les mécréants de la Mecque, il leur a dit, ô peuple, par Allah, j'étais chez les rois, chez les empereurs, chez César, chez le Négus. Et par Allah, je n'ai pas vu un roi être traité majestueusement comme traitent les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par Allah, quand il envoie un moulard, il est attrapé par l'un d'eux qui se frotte avec son visage et sa peau. Et ça, on prend la bénédiction du prophète alayhi wa sallam, des choses qui viennent quand il était vivant, pas une fois qu'il est mort. Hein? Et cela n'est pas permis de prendre chez n'importe qui maintenant. Comme, hein? Hada, le dernier des émirs des Jama'at Tabligh, il y avait un frère qui est resté avec eux à son service plus de 4 mois là-bas, en Edam Din. Après l'Asr, il se mettait comme ça, et une jambe sur l'autre, et allongé par terre, et faisait ses dhikr, hein, qui ne sont pas dans la sunna, et il crachait dans une bouteille. Et après, quand des gens ils venaient le voir, ils leur mettaient de l'eau et on leur donnait voir comme bénédiction à Oudou Billah. Et ça, ce n'est pas permis. Et ça veut dire que les gens ont perdu leur raison. Ils sont partis de leur raison. Comment tu prends le crachat de quelqu'un? Tu le bois à Oudou Billah. Hein? Et ça, quand on a perdu la raison et quand on est dans l'aveuglement de l'égarement, on fait n'importe quoi. Et on gobe n'importe quoi. Et on croit en n'importe quelle légende qui est à dormir debout. L'aïdan billah. Donc, ce que faisaient les nobles compagnons, la bénédiction de ce qui vient du prophète Al-Sen, parce qu'il était vivant. Après sa mort, khlas. Hein? Et quand il envoie un moulard, il est attrapé par l'un d'eux, qui se frotte avec son visage, sa peau, et quand il leur donne quelque chose, il la met en application sur le champ. Et quand il fait le dos, il se bouscule sur l'eau qui lui reste. Et quand il lui parle, quand les compagnons lui parlent, ils baissent leur voix et ne le fixent pas du regard. Ainsi ils étaient ridwanullahi alayhim. Et cet attar, il est rapporté par Imam Bukhari rahimahullah. Et on arrête là, inshallah, wa subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم وجزاكم الله خيرا.